Mary Holland est présidente et directrice juridique de Children's Health Defense, une organisation à but non lucratif dont l'objectif est d'éliminer les facteurs nuisibles à la santé des enfants, de demander des comptes aux responsables et d'établir des limites de sécurité afin de prévenir les dommages futurs. Auparavant, elle a enseigné pendant 17 ans à la New York University School of Law et a donné des cours sur les droits de l'homme internationaux à l'École de droit de Columbia. Elle a étudié aux universités de Harvard et de Columbia et a travaillé dans le domaine du droit international public et privé. Mary Holland est co-auteur ou co-éditeur de 3 livres sur les vaccins. Le vaccin HPV au banc d'essai, à la recherche de la justice pour une génération trompée. L'épidémie de vaccins, comment la cupidité des entreprises, la science biaisée et les mesures coercitives menacent nos droits humains, notre santé et nos enfants. Et plus récemment, les tortures jusqu'en bas, vaccins, science et mythes. Au Congrès américain, dans les parlements des États et au niveau international, Mary Holland a donné des conférences sur la vaccination, les exceptions à la vaccination et le consentement éclairé à la vaccination. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter Mary Holland dans une interview exclusive lors du congrès de la CHD à Budapest en novembre 2022. Je m'appelle Mary Holland. Je suis la présidente et la conseillère générale de Children's Health Defense. Nous sommes une organisation non gouvernementale à but non lucratif basée aux États-Unis, mais nous avons également des sections locales en Europe et en Afrique, et nous sommes en train de mettre en place des sections locales dans le monde entier. Il y a 5 ans, nous avons commencé Children's Health Defense et nous voulons mettre fin à la contamination des enfants par des produits toxiques qui provoquent des épidémies de maladies chroniques dans le monde entier. Nous voulons demander des comptes aux personnes qui ont provoqué ces épidémies et faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Au cours des 3 dernières années de Covid, notre agenda s'est élargi, car toute la population est désormais soumise à la vaccination obligatoire. Et nous ne sommes pas seulement confrontés à la vaccination, mais aussi aux pesticides, aux fluorures dans l'eau et à d'autres pollutions toxiques. Les charges toxiques dues au vaccin Covid ont eu des répercussions sur l'ensemble de la population mondiale, de sorte que nous nous occupons de ces problèmes, mais aussi de questions de censure, de propagande et de démocratie. Vous vous préoccupez donc beaucoup de la protection de la santé des enfants. Oui, nous avons commencé par le sujet des vaccinations préventives pour les enfants. C'est notre priorité. Et comme les enfants sont les plus faibles de toute la population, ils ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Ils sont mineurs, ils n'ont pas le droit de vote. En nous concentrant sur les enfants, nous pensons servir l'ensemble de la population. Mais nous ne nous concentrons pas uniquement sur les enfants. Et quel est le rôle et la responsabilité des parents dans tout ce jeu? Ou dans quelle mesure doivent-ils en être conscients? Eh bien, nous avons un site web, www.childrenhealthdefense.org, et nous en avons un spécialement pour l'Europe, dans les langues européennes. Nous avons un bulletin d'information quotidien. Nous avons 18 heures de programmes télévisés chaque semaine sur notre site. Nous voulons ainsi éduquer les gens. Nous voulons donner aux gens les moyens de s'engager. Nous sommes également impliqués dans le domaine scientifique et juridique, et nous voulons que les parents sachent la vérité. Qu'ils sachent que les enfants n'ont pas besoin d'injections de Covid, que celles-ci sont fondamentalement dangereuses et qu'elles le sont particulièrement pour les enfants. Et nous voulons que les parents soient en mesure d'exercer leurs droits au nom de leurs enfants. Nous pensons que personne ne connaît mieux les enfants que leurs parents et que leurs droits doivent être protégés. En effet, des efforts sont faits dans le monde entier pour réduire les droits parentaux et permettre aux États et aux gouvernements de prendre des décisions concernant la vaccination des enfants. Nous nous y opposons et pensons que les parents doivent être en mesure de décider pour leurs enfants mineurs jusqu'à l'âge de 18 ans. Quelle est la bonne décision médicale pour leurs enfants jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité pour pouvoir ensuite prendre leurs propres décisions. Vous avez déjà mentionné que des efforts sont faits pour tromper les parents lors de la prise de décision concernant les vaccins. Que voulez-vous dire aux parents qui se sentent seuls et sans espoir face à leurs inquiétudes concernant la vaccination? Eh bien, les parents qui ont des questions sur les vaccins devraient absolument visiter notre site web. nous avons énormément d'informations sur les vaccins Covid. Les parents qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants ne sont pas seuls. En effet, il n'y a qu'une très petite minorité de parents dans le monde qui font vacciner leurs enfants, bien que ces vaccins soient maintenant recommandés pour les enfants à partir de 6 mois. Il s'agit d'un pourcentage très bas, bien inférieur à 10%, du moins aux États-Unis. Les parents qui ont compris qu'il n'est pas sage de donner à des enfants en pleine croissance des produits expérimentaux pas rigoureusement testés sont la majorité. Ils ne sont donc pas une minorité, ils ne sont pas seuls. Nous sommes aux côtés de ces parents et nous pensons que les parents doivent prendre des décisions difficiles. Dans certains États des États-Unis, il est très probable que les vaccins deviennent obligatoires dans le système scolaire public. Nous nous battrons contre cela, car si c'est le cas, nous encouragerons les parents à faire le nécessaire. Car nous sommes ici aujourd'hui dans une école où un jeune de 17 ans qui avait apparemment reçu l'injection est mort subitement. Nous ne savons donc pas si cela a été causé par les vaccins, mais nous savons que c'est possible. Nous savons que ce sont surtout des jeunes qui sont morts des complications graves des vaccins. C'est une tragédie absolue lorsque la vie d'un jeune de 17 ans est écourtée parce qu'il voulait faire du sport. C'est absolument fou, et ça se passe dans le monde entier, et ça doit cesser. Nous sommes fondamentalement contre ces vaccins. Ils ne devraient pas être administrés compte tenu des résultats du profil de sécurité qu'ils présentent. Et ils ne devraient certainement pas être administrés aux enfants. Nous avons des procédures en cours pour empêcher cela, tant au niveau du mandat que de l'autorisation pour la Food and Drug Administration aux États-Unis. Et Children Health Defense Europe se bat également contre le fait que cette thérapie génique n'a pas été correctement autorisée par l'EMA. Et qu'est-ce qui vous donne l'espoir de poursuivre votre chemin, de résister, de tenir bon, comme vous l'avez dit? D'où vient votre force? Eh bien, il y a beaucoup de gens merveilleux qui se battent avec moi dans cette lutte. Il suffit de regarder cette grande foule ici en Hongrie. Les gens du monde entier comprennent que quelque chose va très, très mal. Ces vaccins n'arrêtent ni l'infection, ni la transmission. Il n'y a aucune raison rationnelle de les administrer à tout le monde. Et des gens comme Bill Gates et l'OMS continuent de penser « Oh, c'est seulement si nous vaccinons 7 milliards de personnes !» Nous devons donc nous lever contre cette folie, surtout parce que nous savons qu'elle tue des gens. Je crois que les gens se réveillent dans le monde entier. Je crois que les gens se défendent. Et je crois que notre rôle à Children Health Defense est de les soutenir, de leur donner de la force, de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, de leur montrer qu'ils ont la logique, la loi, la science et la vérité de leur côté, et de leur donner le pouvoir pour que nous puissions changer le système. Nous devons changer le système. Et y a-t-il une lumière au bout du tunnel, de sorte que nous puissions avoir de l'espoir? J'ai vraiment de l'espoir. J'ai assisté à la fin de l'Union soviétique. C'était ma première affaire. J'ai passé beaucoup de temps là-bas et personne n'aurait pensé que le pays s'effondrerait quand il l'a fait. Mais il a disparu. Dans un laps de temps très court, le mur de Berlin est tombé. Les gens pensent toujours que le système est plus fort qu'il ne l'est. En réalité, il est plutôt fragile. Je ne pense pas que ce nouveau gouvernement mondial unique réussira. Ils ont un agenda selon lequel nous vivrons dans un monde complètement différent d'ici 2030. Je ne pense pas que ça réussira, mais nous avons besoin de personnes qui se réveillent et se joignent à la mission en disant « Nous voulons l'autodétermination pour notre corps et la souveraineté nationale. Nous ne voulons pas d'un gouvernement mondial centralisé avec une surveillance totale et une biosécurité. Ce n'est pas une vision humaine de l'avenir. » Vous avez fait un long voyage des États-Unis jusqu'ici. Avez-vous encore quelque chose à dire à notre public européen? Oui, nous sommes avec vous en Europe. Nous savons que l'Europe traverse une période très difficile. Nous sommes au courant de la guerre en Ukraine, de la pénurie de carburant, de la hausse des prix des denrées alimentaires et des efforts intenses de la Commission européenne pour créer une nouvelle Europe. Nous savons que c'est une période difficile et je pense que cela pourrait devenir encore plus difficile dans les mois à venir. Nous sommes à vos côtés et nous voulons soutenir les efforts des individus pour prendre leur vie en main. Merci beaucoup pour ces paroles puissantes et faisons ce chemin ensemble pour éclairer tout le monde.